ton cœur immense comme l'océan, tu as vite fait de tomber accro de cette fille plus jolie dehors que dedans, pour qui tu sacrifierais ta peau. Tu n'as vraiment pas mérité que tous les mots d'amour se fracassent sur du béton armé sans que tu n'aies aucun retour. Regarde dans le miroir de son âme, recherche-y la vérité. L'amour que rien n'entame, et elle te livrera ses secrets, ses secrets. Et pourtant tu soulèverais la terre, y'a qu'un instant pour la retrouver et sortir de la galère dans laquelle elle t'a embarqué. Mais tu lui fais bien trop d'honneur d'en baver pour elle, car la chaleur du fond cherche-y la vérité. L'amour que rien n'entame, et elle te livrera ses secrets, ses secrets.